cœur qui devient du maïs. Élevé au rice, couscous y'en clive le price. Nipper les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du maïs. Tellement de vice, tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du maïs. Élevé au rice, couscous y'en clive le price. Nipper les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du maïs. Des vampires, venir à 25 miles. Fuck you girls, j'suis là pour la caillasse. Bitch me place, au-dessus j'veux mon palace. Neuf de nice, un peu comme William Gauss. Qui sont-ils? Dites-moi où sont-ils? J'tire comme je vise, tout droit dans le mur. Et je slide, tout seul dans la night. Oui je ride, comme Vince Hubert et Saïd. J'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous y'en clive le price. Nipper les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Tellement de vice, tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous y'en clive le price. Nipper les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. J'ai plus le time, skip the line. Masque ganté pour le crime, j'écris mes rhymes. Tu suces des bites et les tailles juste pour le shine. Tellement la dalle, je ne fais qu'écouter quand c'est l'estomac qui me parle. La boule à maille, original, personne n'est à ma taille. Bitch c'est triste, bitch c'est tellement triste. Plus ouvre leur string, sauf quand ça parle le stream. Je suis une petite poucave, qui chiale pas dans la cave. Joue-moi les braves, une fois qu'ils sont séquestrés dans la cave. J'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous y'en clive le price. Nipper les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice.